You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, radio communautaire KFAI, 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à St. Paul. Radio sans frontières. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Hi, this is Dominique, inviting you to tune in to Caribbean Jam with my daddy, Limbo Jackson, every Saturday from 5 to 7 right here on KFAI Radio, 90.3 and 106.7 FM, Minneapolis and St. Paul. Alors, bonsoir Olaf. Bonsoir Caril et bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous nos auditeurs, ici et ailleurs, parce qu'il y a des gens qui écoutent par ordinateur. Et ce soir, on va avoir un grand mélange. Et nous commençons avec des classiques du passé. Alors, vous allez écouter d'abord le Canadien Félix Leclerc qui vous chante « Moi, mes souliers ». Et après, Jacques Douai va vous chanter « File la laine ». Alors, Jacques Douai, c'est connu pour ses chansons folkloriques, plus ou moins, n'est-ce pas? Mais oui, oui, c'était très apprécié, même aussi en France. Il a passé, un certain temps à Paris. Et je crois que Félix Leclerc, il est tellement célèbre en France, au Canada surtout. Est-ce que c'était toi qui m'as dit que tu as visité le... Oui, j'ai visité sa tombe, et puis tombe. Et il y avait des gens qui, au lieu de peindre des fleurs autour du tombe, de la tombe, ils ont mis des souliers. Oh, c'est charmant. Oui. Alors, voici... Félix Leclerc, moi, mes souliers. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans des prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'homme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine. Un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Moi mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers en préfèrent les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez et pardonner. Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrouck est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Et nains au ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie ou fleurs du joli tambour. Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouvera son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Croisées des grandes batailles, sachez voulant se manier, ajustez cotes de mailles, armures et boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on attend sans se lasser. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Félix Leclerc sings about his shoes. And this is a song that is actually the song that he was became famous with. Well, he was already famous, but that's the one that really hit the world. So what he sings about is, well, these shoes have been everywhere, in the mountains, in the plains, in the rivers. They've been, there is soil on them, there is dust on them. And he has been walking over the moon. He's walked with the fairies. So it's a very nice song about moving around in the world and being the kind of guy that Félix Leclerc was, and he was part of a group in Quebec that was restoring French Quebecois songs and music. So he and a whole group were actually revived. The music of the Acadie, of the old French, the traditional, yes, exactly. Acadian music. And this is so. And he says, "Well, even if you're admitted to paradise, they will let you take along your shoes, but wipe them off before you go in." And the second one was Jacques Douai, "File la laine," and this has to do with a Châtelaine, a lady sitting in her castle, and she is essentially all what they could do in those times was simply to spin the yarn. I mean, spin. And she is sad because she was a linked or friend of Malbrouck, and he hasn't come back, and she doesn't know will he ever come back. The year 1000, year 2000. Well, this is now it's 2013. He's not back, but. Malbrouck is also takes a little bit on in terms of French children's song. Malbrouck s'en va à la guerre,

pour nous deux, un seul musicien paresseux, et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Ah, petit bar, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Ah, mes amis, ce fut une belle noce. Le patron et ses huit gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bar où l'amour, un soir en dansant, nous a réunis. Nous a réunis pour toute la vie. The first Wednesday of every month is the night to move and groove with Secret Stash Records and KFAI Radio at the Ice House in Minneapolis. Bringing in the spring with some real funkiness is an Afrobeat doubleheader featuring Dayrobi Dance Band and Black Market Brass, two Twin Cities Afrobeat bands together in one bill for a weeknight of funky, funky sounds. Both bands have been bringing traditional and original Afrobeat music to the club scene and will be bringing the party Wednesday night, March 3rd at 10 p.m. to the Ice House, 2528 Nicollet Avenue South in Minneapolis. It's Secret Stash Records Night, co-presented by KFAI Radio and the Ice House. Please tune in to Fresh Fruit, the longest-running queer radio show in the country, serving the LGBTQ community and friends, bringing you the best in all queer issues. Every Thursday from 7 p.m. to 8 p.m. Right here on KFAI, Radio Without Boundaries. 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. On the web at www.kfai.org. The Chevalier de Paris by Edith Piaf, The Knight of Paris, with a K. He is fighting, and he is, a very courageous knight. And then she sings about how he leaves Paris and goes into countryside to fight more. But then she says, sings something about very, very, unexpected. Look at the apple trees in August, and then don't be afraid of the wolves, because they do not harm little children or those who have a pure heart. Well, that's a new one. But that's what she sings, and he says adieu to Paris, and then takes off to fight. And dentelle, that means they had these fancy uniforms. I mean, if you can imagine, only the French could muster them. Did it say, I didn't hear whether where they said he was fighting? Yeah, he could fight. That's obviously, if he's a chevalier. They didn't say where. No, they didn't say where, but he leaves Paris to fight. Mm. Francis Lamarque, Bal, Petit Bal. A nostalgic song. Well, actually not so nostalgic, because actually he describes the little bar and the dance floor that they went to in the middle of Paris with the nice owner at the bar, who was enjoying talking politics and so on. And that's where he met her. And that's how they danced. And that's how they got together. And that's they became united forever. So that's kind of a little positive song. Ah, romantique, hein? Yeah. Donc, on va écouter encore. Tu veux l'écouter maintenant? Oui, oui, c'est très bien, oui. Alors, la semaine dernière, il y avait un jeune Algérien, Doran, un Oronais, qui est venu nous parler. Et exactement, il va apparaître dans un spectacle à l'Alliance française le 16 mars, ça c'est samedi, à 7h, 7h américain, 19h français. Alors, il faut faire des réservations parce que je crois qu'il y aura du monde. Les réservations se trouvent à 612 332 04 36. Alors, il est très sympa, Mohamed Yabdi, il s'appelle. Et ce qu'il fait, c'est qu'il présente des spectacles qu'il a écrits lui-même, des sortes de mini-pièces, n'est-ce pas? Et oui, exactement. Et puis, qu'il va présenter, c'est « I Missed You, Algeria ».« I Missed You, Algeria », là où il va jouer 21 personnages. Alors, pour cela, et Olaf va vous dire en anglais aussi, on va jouer un peu de sa musique. On n'a pas eu le temps de jouer la semaine dernière. Alors, si je prononce bien... Deux chansons algériennes. Donc, la première, c'est Rosa, Rosa, avec... en tête, Arezki Amzian. Et l'artiste en est Taka Farinas. Et c'est de son album Lwaldin, hymne aux parents. Et ça va être suivi par Amazigh Kateb qui vous chantera Ma tribu. Alors. Voilà, d'abord, Taka Farinas. Ask me to get in the corner, the hot نروى عسكر كر كلس ذات جر عميد مكثي روزع في غفو ذي وذي زهر روزا روزا روزا روزا اي اي اي النم روزا روزا روزا روزا اشحل يغذي الحبسي من اللي يذوليم ضرات فهم الغم وقسهم قمذينين تير وتخفاري دروزا قرد قبيليين روزا روزا روزا روزا اي اي اي النيم روزا روزا روزا روزا اي اشحل يغذي الحبسي من اللي يدولي مستيطي وفي اللاسات شخم روزا روزا روزا روزا هيا لنيمال نيم روزا روزا روزا روزا هيا شحالة يغذي الحبسي باللي يدولم كل ذي الحبس نتيري سواحب صغط تقول إن روزا ذلني سيد طواقي روزا روزا روزا روزا روزا روزا روزا أي يا يا الليم روزا روزا روزا روزا روزا روزا أي شحال يا غدي اللي حبسي من اللي دوليم Well, you heard, these are two songs that Mohamed Yabdri took along, but we didn't have the time last week to play it all. So we're repeating them because he has some very interesting music. The first one is Rosa, Rosa, and that is also on the tune of a French song. But this, of course, is sung in Kabul, in the Berber dialect, and it's sung, the artist is Takfarinas. So I hope you enjoyed this. The next one, which we will hear in a while, soon, is all in French. So the French listeners will get their money's worth. Et voilà, c'est en français, Amazigh Kateb vous chante Ma Tribu. Les vents s'acharnent à couvrir notre histoire de poussière, de voile, de viol, de mort et d'arbitraire. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. J'ai dans les yeux les larmes de mon grand-père, et j'ai dans le ventre la rage et la colère. J'ai dans la poitrine des battements de tambour, et mes jambes ne pratiquent pas le demi-tour. Une seule route existe à travers ce désert, un seul souffle sur terre pour parler ou se taire. Une seule route existe à travers ce désert. Un seul souffle sur terre pour parler ou se taire. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. en écrit résonne autour de moi. Tout est détruit. Waye yawa, waye yawa, waye yawa, waye yawa, waye yawa, waye parmi les mirages du désert. Mais c'est pas le sable qui brûle nos paupières. Ce qui nous aveugle, ça n'est pas la lumière. Et ce qui nous tue ne s'appelle pas des vipères. L'Algérie s'anime et coule en nous comme un fleuve. Des chiens s'abreuvent et laissent leurs odeurs. L'Algérie s'anime et coule en nous comme un fleuve. Où des chiens s'abreuvent et laissent leurs odeurs. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Mes cris résonnent autour de moi, tout est détruit. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits, un cri résonne autour de moi, tout est détruit. Aïe, yaba. Sunday, March 10th, 10 to 11 a.m. for the WAVE Project featuring the Youth Legacy Foundation. Meet some outstanding youth with disabilities who are making change in their communities. Hosted by me, Aaron. Tune in, meet some amazing youth, and maybe learn something in the process. That's the Youth Legacy Foundation, March 10th on the WAVE Project on KFAI. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Well, the songs you heard and the one I'll just say a few words about were given to us by Mohamed Yabdri, who is going to present the one-man show at the Alliance Française in Saint-Paul, in which he is going to perform on Saturday, March 16th. So He was giving an interview last week, and these two songs were on the list, but we didn't have the time. The first one, Rosa Rosa, we already talked about, more or less. There's not much you can say about it. it was mostly in Kabul, and Ma Tribu by Amazigh Kateb is a song in Gnawi. It's a slightly different beat, and actually the melody is very, very nice. Very, what should I call it? I mean, very entraînant, very, very, very good. The words are a little bit sad. He sings about the, the wrongs that they have had to submit to under French occupation and whatever else. He remembers the tears of his grandfather in the eyes of his grandfather. He remembers the rage of his father. And this, of course, was at the time when they were trying to become independent. And so that the words, of course, are historical and are a document. And the melody, however, is extremely nice. And it's a melody often called Gnawi. And it's a type of melody and song that is that you find in the south-facing part of the Atlas Mountains, both in Tunisia, in Morocco, and Algeria. I really like the rhythm. The rhythm is extremely nice. Which you also hear in Spanish. Yeah. Popular music, rapid clapping. So don't miss Mohamed Yabri will appear Saturday, March 16th, 7 p.m. at the Alliance Française, putting on his one-man show. Donc, est-ce que tu veux maintenant faire les expressions? Oui, ce sera très bien, très bien. Alors, ce qu'on a, c'est que RFI envoie des danses de mots, c'est ça, le programme qui La danse des mots, yes. La danse des mots. Et donc, c'est vraiment sur la langue. Et cet enregistrement, c'est pour les expressions intéressantes. 500 expressions, mais on va jouer seulement une partie et après, peut-être, on peut en rejouer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela, Ola? OK, in English. So we have a program that's called the Dance of the Words. And this is it's a program that is sponsored by RFI, but also the Institute of Language in Paris. And the presenter is Yvan Amar, and he invites various people to talk about words and about language. This time, he has one that is called, he has invited Delphine Gaston, nos 500 expressions populaires préférées, our 500 popular expressions, and she just edited or produced a book by Larousse in the literature, in the collection of literature, 515 pages or something like this, 512. So it's quite a feat. Anyway, what she does or what they do is she looks at phrases that are often found in France and that need to be explained, especially for non-French speaker or first year or second language speakers, like un froid de canard, which is what? It's un froid de loup aussi. Froid de canard. That is really cold. That is really cold. Tiré par les cheveux. Drag someone by. This is just dragged by out by. I mean, faire un carton. Ah, ça, je connais pas. That's if you shoot hit the target. Yes, exactly. Oh, you faire un carton. Un carton is when you hit bullseye. You know, yes. Okay. And then there's one. It's called être mitridatisé, and I have no idea what this means. Mitridatisé. Un verbe. Peut-être Louise. Louise. Peut-être oui, Louise pourrait nous dire, ou any other listener who knows French could tell us what être mitridatisé means. It may come from Racine's play, Mitrida, were two. I mean, this is a very murky story about a father, and he wants to marry a young Greek lady. He is Persian, and then his two sons come in, and they both fall in love with her. Well, it's the kind of But we don't know what Mithridates is. So if anyone knows, M-I-T-H-R-I-D-A-T-I-S-E avec un accent aigu. Okay, but let's hear what they have to say, and basically they start out with a number of expressions, and I'll one of the first ones has to do with avoir un chat dans la gorge. To have a frog in your throat. But in French, it's have a cat. It's a cat, and they will explain where this expression comes from, and a few more. So please let's listen to Delphine Giraud and Gaston and Yvan Amar. La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour, c'est un béotien, il a le béguin, il est habillé comme l'as de pique, la perfide Albion, la fière chandelle ou chargée comme un baudet, voilà un certain nombre de locutions, d'expressions toutes faites, d'expressions qu'on appelle des expressions figées, qui émaillent la langue française, qui la rendent bien souvent pittoresque et dont on a le plus souvent d'ailleurs oublié l'origine. La connaît-on vraiment ? Est-ce que ça suffit d'ailleurs de connaître l'origine d'une expression pour savoir l'utiliser ? Voilà un certain nombre de questions que j'aimerais poser à Delphine Gaston. Bonjour. Bonjour Delphine Gaston, vous êtes là parce que vous avez fait paraître récemment aux éditions Larousse nos 500 expressions populaires préférées. Et vous dites justement dans la préface de ce bel ouvrage que vous adorez les expressions. Alors c'est vrai ? Ou bien c'était pour la bonne cause que vous avez mis ça ? Oui, vous avez sans doute raison. Non, ce qui est intéressant, c'est que on en entend partout. C'est surtout ça. C'est que finalement, quand on commence à travailler sur ce sujet, on n'entend plus que ça. Ça devient une obsession. Non, c'est vrai. Par exemple, ma sœur m'a prêté un livre de Catherine Pancol qu'elle adore. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine Pancol. C'est une romancière qui a beaucoup de succès. Les yeux jaunes des crocodiles. C'est les titres. Ça, c'est pas une expression toute faite. Les yeux jaunes des crocodiles. Non. Les larmes, oui. Les yeux jaunes, non. Tout à fait. Le mérite en revient à Catherine Pancol. Exactement. Ou la valse lente des tortues, c'est le deuxième. C'est très animalier comme littérature, dites-moi. Bon, mais la valse lente des tortues, là encore, c'est pas une expression non, toute tout faite. Ça pour vous dire... Avancer comme une tortue ou avoir une vitesse de tortue, oui, je crois même que vous le citez dans votre ouvrage. Le lièvre et la tortue, expression de tiré de La Fontaine, comme beaucoup des expressions que j'ai voulu dans ce livre. Il y en a énormément qui viennent de La Fontaine. La Fontaine a été un immense pourvoyeur d'expressions. Oui, exactement, par exemple. Qui sont devenues toutes faites, qui ne l'étaient pas à l'époque de La Fontaine. Oui, par exemple. Par exemple, crier haro sur le baudet. Enfin, celle-là, elle est. Alors, ça vient de crier haro sur le baudet. J'ai une tendresse particulière vous vous pour celle-là. D'où vient haro sur le baudet ? Alors, la peste sévit... La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Exactement, sévit sur le règne animal. Oui. Et donc, ils ne mouraient pas tous, mais... Tous étaient touchés. Frappés, ah bah voilà. Alors, pourquoi on dit haro sur le baudet ? Donc, les animaux se réunissent. Le lion, évidemment, le roi des animaux, demande si les animaux ont fauté. Tous avouent quand même des fautes assez graves. Le lion, le premier, avoue qu'il a croqué sûrement quelque animal. Et même parfois le berger. Voilà. Et finalement, le baudet avoue qu'il a avalé un petit lopin d'herbe, et tous crient « haro sur le baudet » et l'accusent. Comme c'est le plus faible, on va en faire, comme on dit, un bouc émissaire, et il va payer Bouc émissaire d'ailleurs. Et bouc émissaire, c'est aussi dans c'est votre... C'est une expression, oui. Alors c'est tiré de la Bible. On prenait le bouc et on lui mettait tous les péchés sur le dos. Exactement, et on l'envoyait dans le désert. Exactement, et donc il partait avec les péchés de la tribu et on se retrouvait tranquille, on pouvait continuer à pêcher les doigts dans le nez. Alors, est-ce qu'il y a des expressions qui vous ont beaucoup étonné, Delphine Gaston, dont vous avez découvert l'origine avec, alors, ce qui est intéressant, avec stupeur de temps en temps, en disant « Oh, j'aurais pas pensé ça !» Stupeur, pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est les expressions trompeuses, ce que j'appellerais trompeuses. C'est qu'on pense, par exemple, vous prenez un chat dans la gorge... Vous vous dites miaou. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà au sens littéral? Avoir un chat dans la gorge. C'est quand on est enroué. Oui. Voilà. Et cette expression est trompeuse car en fait le maton est un grumeau de farine. Par exemple, si vous faites une sauce blanche et que vous avez un grumeau. Et donc, maton et matou, c'est proche et c'est comme ça que... Donc au départ, c'est avoir un grumeau dans la gorge, avoir un maton dans la gorge, et par déformation, on est passé du maton au matou. Mmh. Ouais. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a un petit peu de hasard, mais en même temps, il faut que l'image fasse sens, quoi. Parce que c'est vrai qu'avoir un chat dans la gorge, on s'imagine parler comme poils, un chat, des poils, oui. Soit des poils qui vous font douzer, soit on s'imagine miauler, peut-être. Et puis, j'ai fait un système d'encadré dans ce livre, donc pour chaque expression, je parle d'une expression corollaire, par exemple, ou quand il y a un équivalent dans une autre langue. Et par exemple, dans la version anglaise, c'est « have a frog in one's throat », ce qui veut dire une grenouille. Alors eux, ils n'ont pas un chat, mais ils ont une grenouille dans la gorge. Au niveau du son, de l'onomatopée, ça paraît presque plus logique, en effet. La danse des mots, Yvan Amar. Dans cette soupe dans mon beau soute d'été, je peux chanter même 5, 6, 7 heures d'affilée, et je suis même pas essoufflé. Jamais été malade, j'ai une belle bonne santé, y'a rien que je peux pas manger. Pas tellement pour fumer, mais pour me parfumer. Mais y'a quelque chose que je comprends pas du tout, quelque chose qui concerne ma tour. Je chère ma gorge, sa poussière m'a gagné, puis je pars capable d'en débarrasser. J'ai le cœur gros, que j'ai toujours aimé les animaux. Je suis comme une chatte entre mes pattes, y'a plein petits minou-minous qui me suivent toujours un peu partout. Mais y'a quelque chose qui commence à tanner, puis qui me fait tousser. Je suis ma gorge, un chat. Je suis pas capable d'en vivre ça. Alors, Delphine Gaston, il y a des expressions qui sont amusantes, justement. Every Wednesday night at 10 p.m., join us on Live from Studio 5, a weekly music program featuring live music from Appalachian to Zydeco, A to Z, and every letter in between. established bands to breakout groups, it's all here on Live from Studio 5 on KFAI 90.3 and 106.7 FM. Every Wednesday at 10 p.m., join us this week for the Word Party on Live from Studio 5. Eh ben ça alors, bien drôle, Olaf. That was really funny. That was funny, yes. So what we heard, obviously they were talking about various kinds of expressions that are used in France. I mean, mostly used, the 500, mostly used. But the two that I'd like to say a few words about, the first one they talked about was arro sur le baudet. And crier arro sur le baudet, to cry. Arro means you can actually arrest someone, or following someone. You are trying to get someone. Halt? Halt? Pardon? Is that like stop or halt? Well, it's at one point crier arro meant also you could actually do a citizen's arrest in France. Oh. So anyway, and crier arro sur le baudet. The baudet is the donkey, and she explained. Mm-hmm. I mean, why? What does this mean? Well, it means that all the animals were together, and they had a session of self-incrimination, and each one said what they had done wrong. The lion said he had eaten some animal, maybe even a man. Others had done this or that. And then the poor donkey at the end said, yes, he had also eaten a tufts of grass or some rosemary. And then they all cried, arro sur le baudet. And what it means is simply that the others who have much more to account for, mm-hmm. they then concentrate on one poor, feeblest of all of them. The donkey. And then try to incriminate them. So they denounce with indignation in their voices the poor. Wonder if that came from the fables of La Fontaine. Oh, this is what they will. They will. Yes, exactly. Many of these come from the fables of La Fontaine. And La Fontaine apparently was one of the French authors or poets that created the most of these of the current many of the expressions. Mm-hmm. And the second one has to do, of course, it's a mismanagement of words. It's it has to do with avoir un chat dans la gorge. I have a cat in my throat. And I always thought it was just similar to I have a frog in my throat. And that's what what it means. She actually explains mm-hmm. this, then also the English version. And but what it was is the following thing. Actually, it had to do basically with a maton, which is a little grain of flour, like a lump, like a little lump of flour. Well, that's when you make a roux. And you don't sieve your flour perfectly, then you end up or too fast or whatever, then you end up with lumps. And gravy. if you were to have to eat that, then you have a lump in your throat. And maton then was more or less interpreted as matou, and matou is a tomcat. Matou is a French word for the male cat. So it's a tomcat. So then you have not only do you have a cat, a nice little cat in your throat, you have a tomcat in your throat. And this is what the song is about. The song that followed, of course, was a song where the artist tried to just show how enroué, how hoarse he was because he has this shot in his throat. Well, here's a quick announcement. Every Wednesday night at 10 p.m., join us on Live from Studio 5, a weekly music program featuring live music from Appalachian to Zydeco, A to Z, and every letter in between. established bands to breakout groups, it's all here on Live from Studio 5 on KFAI 90.3 and 106.7 FM. Every Wednesday at 10 p.m., join us this week for the Word Party on Live from Studio 5. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM. Minneapolis et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Without Boundaries. Et moi aussi, j'ai un petit chat dans la gorge. OK. Seulement un chaton, un tout petit. Un tout petit chaton, oui, c'est ça. Well, we're coming up on a 9 p.m. Central Time. And by the way, you know, next Sunday, I believe, or the 10th, we go back to daylight savings. Do we? Oh, yes, we do. That means we what? We have spring to get forward and fall back. So we spring forward, we lose an hour's sleep. An hour's night's sleep? Wow. An hour's sleep. That's correct. And, 9 p.m. here in Minneapolis, St. Paul, under the lots of snow, beaucoup de neige. And in Paris, what time is it? It's 4 o'clock in Paris. 4 a.m. Yes. And they don't really have any snow. I mean, well, maybe they, but they don't really have any terribly. No. Just in the mountains of so France, it's their temperature is 10 degrees. I mean, 10 degrees. Celsius, so that's like what? That's like 50 something, and it's kind of rainy a little bit, but it's in this general temperature range. Yes. 10 to 13 degrees Celsius, which is like up to almost 60 degrees. And now it is 5 seconds to 9 p.m. And we'll carry on with our music. Yes. Alors, les classiques, un peu. Il nous reste trois. Il y a, voyons, Mouloudji, qui va vous chanter Rue de Lap, suivi par les frères Jacques, Barbara. Alors, Barbara était un poème écrit par Jacques Prévert, le célèbre poète d'après-guerre. Et la dernière chanson des classiques, c'est Léo Ferré, La vie d'artiste. Tous les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal-musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté comme ça, par des danseurs de Java. Comme ça, rue de la peu, au temps joyeux, où les frappes étaient chez eux. Rue de la peu, en ce temps-là, à petits pas, on dansait la Java. Les Jules portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés, avec de belles roues flaquettes qui descendaient jusqu'au nez. Rue de la peu, c'était charmant. Rue de la peu, mais plus prudent. Rue de la peu, pour les enfants, de les emmener ce soir-là au ciné, plutôt que d'aller se faire assassiner. Passez la monnaie, et ça tournait. Et plus ça tournait, et plus ça tournait, plus ça coûtait. Qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait, quelques tickets. Mais on les payait presque jamais. Ceux qui ne sortaient pas de polytechnique, pour la politesse avait leur technique. Avec les gonzesses, c'était un coup de trick, qui discutaient politique. Comme ça, rue de la peu, on rencontrait une frappe qui revenait. Rue de la peu, pour respirer un peu d'air frais de ce bon vieux quartier. Il laissait à la Guyane son bel ensemble rayé.

Je t'ai rencontré par hasard ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes, sans se connaître on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, il lui dira que je m'en fiche. Well, these were three real classic ones. Moujoudi in Rue de Lappe, and he sings about the, Rue de Lappe is on Montmartre, and he sings about how people are dancing the Java, and the beat, of course, was a beat of dancing Java, and that the young men are, they don their casquette, hats, and in those days that was a sign of being a what would you call them, these tough guys, weren't they? Tough guys, mm-hmm. Yes, at on Montmartre. Now everyone has a casquette, and they even turn them around. Cap. So yes. So in any case, it's a very nice song about life on Montmartre in the Rue de Lappe, and in a establishment that makes music and lets people dance to the tunes of Le Java. The other one was Les Frères Jacques in Barbara, and Barbara is a song about a person observing two lovers in Brest. Brest is on the west coast of Brittany, and it rains a lot there, so mm-hmm. He sings about the rain and how he sees these two people moving along, and he almost feels like he is part of their story. And then, of course, he says, quelle connerie la guerre. What a terrible thing to have have war. And Brest was, of course, was the... It was a major naval port. It was a naval mm-hmm. port and suffered a lot under both. Yes, it was... From taken by the Germans and then taken back by the English and Americans. Yes, so it was, was it really bombed? Everything, it was bombed to pieces, yes. Mm-hmm. So, but it's a very very well-known song and on a poem by Jacques Prévert. He was essentially known for his anti-war views, but of course, who wouldn't be? Well, it was very... not everyone is anti-war. it was striking, beautifully contrasting the two lovers and the destruction of the city. Of the city, yes. No, it's, and then Léo Ferré, La Vie d'Artiste, The Life of an Artist, and Léo Ferré was also a singer of social dimensions, and but this one is simply deals with personal story of an artist. And he says he met this lady by chance. They hung together, but then his successes did not come. He was trying and trying. His songs did not really make a big splash. And now the good years just kind of frittered away, and now she is leaving. So the poor artist does not. Only does he not have any success in his endeavor of singer as a singer or poet, but now the love of his life is also taking off. He is left all by himself. Very sad. Well, how about je dois le dire en français? On va écouter encore la danse des mots avec des expressions qui sont drôles ou amusantes. And we had one caller who said indicated that mitratiser maybe means to be immunized. Well, we'll have to look into this. Moi, j'ai jamais entendu cette expression. Non, mais moi, je n'avais. We'll have to set this machinery in. Oui, d'accord. To work and find out what Alors, it means. Voilà, encore, c'est la danse des mots sur les expressions. Elles sont détournées par rapport au sens qu'elles pouvaient avoir au départ. Je pense à la palissade. J'ai vu que vous traitiez la palissade. Mmh. Alors, on sait ce que c'est qu'une palissade. C'est-à-dire une vérité évidente. Une vérité évidente, un truisme, etc. Oui. Et d'où vient cette expression, la palissade ? De Monsieur de La Palisse, qui était un fier soldat. Dans l'armée de François Ier, oui. Et cette expression vient d'une faute, d'une erreur de graphie qu'un copiste aurait pu faire venant d'une chanson populaire. Alors, il y a une chanson qui a été écrite à son honneur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et quand un copiste a recopié la chanson... Alors, que disait-elle, cette chanson ? Donc, Monsieur de La Palisse est mort à la bataille de Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. Et donc, cette faute de retranscription a donné « il serait encore en vie ». S'il n'était pas mort, il serait encore en vie. C'est-à-dire qu'on avait transformé le F en S. Parce qu'en effet, ça se ressemble dans les anciennes polices de caractère. Ce qui est tout à fait évident. Il y a d'ailleurs un autre couplet de cette même chanson qui dit « un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie ». Et on dit que ça viendrait également de là, l'expression « une la palissade ». Ce qui voulait dire simplement « un quart d'heure avant sa mort, il se battait encore très bien ». Mais c'est évident qu'un quart d'heure avant sa mort, on est encore en vie. Bon, il est question donc de la vie. Alors, ce qui est intéressant dans ces expressions Delphine Gaston, c'est que, bien souvent, elles sont légèrement détournées par rapport même à leur sens littéral. Bah, il y en a une qui est vraiment très amusante à ce point de vue-là, c'est « inaugurer les chrysanthèmes » qu'on trouve dans votre livre à la page 158. Eh bien, on dit que c'est le général de Gaulle qui a mis à l'honneur cette expression. C'est vrai, probablement existait-elle auparavant. Pourquoi, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire inaugurer les chrysanthèmes ? C'est quand un élu, en gros, n'a pas de pouvoir et juste inaugure des stades et fait des remises de médailles. C'est quand on va poser une première pierre, voilà, ou couper un ruban. C'est-à-dire quand on a tout simplement une activité de représentation. Mm. C'est bien ça, comme certains présidents de la République, dans des régimes qui ne sont pas présidentiels. Par exemple, bon, c'est vrai qu'en Italie, le président de la République... On ne sait pas qui est le président, enfin, on le sait. Oui, mais... non, mais son nom, vous faites un micro-trottoir là, en bas de vos... Il n'a n'a pas vraiment un pouvoir exécutif fort. Mmh. Bah, c'est le cas dans de très nombreux pays. Eh bien, on dit que justement, ces présidents de la République, ils sont là pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais l'expression est amusante quand même. D'où vient-elle? Alors, pourquoi inaugurer les chrysanthèmes? C'est un mélange, parce que on inaugure un stade, mais on pose des chrysanthèmes sur, on fleurit une tombe ou on fleurit un monument aux morts pendant des. Ouais, c'est-à-dire que lors d'une inauguration, il y a des chrysanthèmes dans l'air. On les pose, mais on n'inaugure pas vraiment les chrysanthèmes. Non, en fait, elles se sont rencontrées. C'est deux expressions d'une certaine manière qui se sont comprises. C'est une magnifique condensation. Voilà, c'est une expression valise. On peut dire une expression valise, pourquoi pas. Alors, il y en a d'autres qui m'ont beaucoup plu. Hein. Par exemple, ça a dû coûter bonbon, ça. Alors ça aussi, c'est une expression qui est amusante parce que on l'utilise de temps en temps sans voir son côté illogique. Et pourquoi coûter bonbon alors que a priori, un bonbon, c'est pas cher. Le redoublement de bon, oui. C'est deux fois plus cher, disons. Donc ça coûte quelque chose de bien et deux fois plus que quelque chose de bien. Ouais. C'est la répétition de bon. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton, mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche! Pour la saison, je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons, de bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Ouais. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça. Vous avez mille fois raison. Je vous ai inventé un bonbon. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, hein, j'avais apporté des bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, je vous ai apporté des bonbons. Vous souhaitez réécouter La Danse des mots? Rendez-vous sur notre site internet. Yo, turn my mic up a little bit. R is for rats. I On Friday, March 8th, KFAI celebrates International Women's Day with 24 hours of special programming. Oh, yeah! Join us for Hours for Raps as we take a musical trip through your childhood and ours. Get ready to revisit old favorites and explore women rappers that you might have slept on. From the points of views of two 80s babies, Takara and Emily. Tune in March 8th, 9 to 10:30 p.m. on KFAI. For more info on KFAI's International Women's Day, visit kfai.org/iwd2013. Did you miss your favorite KFAI show? Go to kfai.org and click on Archive. Listen to any of KFAI's locally produced shows at any time. KFAI, Radio Without Boundaries. Online at kfai.org. Well, in this section of the 500 mots préférés des Français, you heard a couple of interesting explanations. One of them had to do, the first one had to do with la palisade, and what the palisade means when you say something is, c'est une palisade, it means that it's something that is so obvious that it's almost embarrassing. And they explained that this came from a song about a warrior under François Ier, under first François, and somehow the words got mixed up in the sense that the refrain says, "S'il n'était pas mort, il serait encore en vie." If he wasn't dead, he would now still be alive. So there is not. So what more can you say? And so this so then la palisade, which the knight or the soldier was called la de la palisade, and so anyway, so this is one way that proverbs get into the other one had to do with inaugurer des chrysanthèmes. C'est drôle. C'est très amusant. And inaugurate the chrysanthemums. And what this, actually, de Gaulle used this, and what it means is that this is some high-ranking president or other who doesn't have any political power, but he is sent out, or she is sent out to, well, to cut the ribbon, to lay the first cornerstone, and things like this that have actually very little to do with actual power. So if you say someone is inauguré, the inaugurating the chrysanthemums, then that is meant by it. And basically, it's also a double take, because you're not inaugurating the chrysanthemums, you are inaugurating the monuments that these chrysanthemums are being deposed in front of. Okay, and finally, there's the question about ces bonbons, and ça a dû coûter bonbon. And it actually comes out to be very expensive. And so how does this make... Well, ça coûte bonbon is not very expensive, usually not. And so basically they said it's a double. If it's bonbon, that means it's doubly expensive. Yes. And then you heard this poor guy who was singing about he was bringing his girlfriend instead of flowers, which are more presentable, but he brought her bonbons because they don't perish. I mean, they and then on it goes and on it goes, and finally they end up on a square, and there she actually goes to see her Louis, and he sits there with his bonbons. I know another interesting one. It's a Cinderella story, and when you hear the Cinderella story, the most important thing is the slipper. And what is the slipper? It's a glass slipper. But originally, when Perrault wrote this story, it was written as an soulier or an escarpin de verre, V-A-I-R. And the verre, V-A-I-R, is a little weasel-like creature. So she had a fur slipper, really, in the original version. But people heard and mixed it up with verre, V-E-R-R-E, which means glass. And so, because of that misunderstanding of two words that are pronounced alike, we think that Cinderella had a glass slipper when actually she had a fur slipper. Much more comfortable then. I would think so. Yeah. I would think a, glass slipper would be very uncomfortable. Eh bien, voilà, quelques annonces. Do you have a car that's full of great karma? But it might be time to let it go? Send it to its next life in style. Donate it to KFAI and we'll turn it into the programs you love. To donate your car, call 855-277-2346. Or go to KFAI.org. KFAI, listener-supported radio. Haru harali, haraloi, haru. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Bon, maintenant, on va écouter la musique un peu plus moderne. C'est pas tout à fait moderne, un peu du passé. C'est Patricia Lay qui va vous chanter La bouche en cœur. Et ça va être suivi par Patricia qui chante Vague à l'homme. So we are now switching from the classic, so to speak, into somewhat more modern songs. And the first two that you're going to hear, as Caril already indicated, is Patricia Lay, La Bouche en Cœur, and Vague à l'homme. What does that mean? That's also an expression. Sans vous, j'ai de l'hôtel. J'ai fait le tour du monde. Exactly, yes. It's the other way around, which means that you're... Yeah. La locomotive à vapeur t'a emporté pour toujours. Elle fonce à mi-heure. Adieu, mon âme. La terre est ronde et les trains reviennent. C'est comme les boomerangs et les chansons anciennes. Faut qu'ils fassent le tour, ils n'ont pas de marche arrière. Look. Cherchais pour mes nuits des histoires sans alibi, avec faux hidalgo, yo te quiero mucho. Et l'on se dit adieu, mais comme on dit ça va, s'additionne les corps sous lassitude nord. Désir démaquillé par trop de baisers salés, trop de baisers donnés, terre promise, terre brûlée. Pour si peu de reçus, l'arrache-cœur n'arrache plus. J'ai mal lu le scénario, je repars à zéro. Dans la peau, tout en versant des pleurs sur les racines des fleurs d'un continent perdu. L'arrache-cœur en arrache plus. J'ai mal eu le scénario, je repars à zéro. Du vague, du vague à l'homme. J'ai du vague, du vague à l'homme. Mais corps à corps sous lassitude nord. Mais corps à corps de nos, j'ai du vague, du vague à l'homme. J'ai du vague, du vague à l'homme. On met corps à corps sous lassitude. Two songs we heard, La Bouche en Coeur and Vague à l'Homme by Patricia Lay. Well, very melodic songs. Bouche en Coeur is, in one sense, turning around. Usually it says la coeur en bouche if you're very excited or afraid. And while she sings about her tiredness and the whole thing, the next one also, Vagalam, the wave of men, sings about how they didn't keep their words, how she's crying and her tears flow to the roots of a flower, and then now she has to start from zero. A very subdued Patricia Leigh. How about a couple of announcements, Olaf? Oh, well, I mean, I'm sure you have some from do. Alliance Francaise, we if do. I'm not totally wrong. And there is still that wonderful film playing at the France Avenue Movie Theater on 50th and France called Amour. It's a film by Michael Haneke, who also did Cachet, the piano teacher, and The White Ribbon. This one is about an elderly couple who are very happy and very much in love, but something happens to the wife. She becomes ill. It's a touching portrait of a longtime married couple whose bond of love remains strong facing any hardships. It stars Jean-Louis Trintignant and Emmanuel Riva, two great stars from the past. You might remember him from A Man and a Woman. Emmanuel Riva was well known for Hiroshima Mon Amour. So this one has won prizes all over the place. Nominated for Academy Awards, including Best Picture, Best Foreign Language. I don't know if they took any any awards at the Oscars. I don't know. No, I know. Mm-hmm. Well, at the Alliance, there's a chance for you to see and talk to Cara Black, who has written a book called Murder Below Montparnasse on Wednesday. That's tomorrow night, March 6th at 5 p.m. It's free, and all are welcome to attend. And she's a best-selling author. She'll present her latest novel, this Murder Below Montparnasse. Plus, attendees will have a chance to win a killer trip to Paris. The book will be available for signing and purchase. The Navigateur de la Littérature Book Club for Intermediate Readers. Tomorrow at 6 to 8 at the Alliance, they're reading Le Bal de la Forêt by Dominique Ménard. French teachers, here's a chance for you to take a credit on fun activities or interesting activities in class for the foreign language teacher. Wednesday, March 13th. It's two sessions available, 12 to 3 p.m. or 4 to 7 p.m. It's limited to 15 participants, and you must register in advance. The things will be fun activities for teaching grammar and vocabulary in the classroom, and each participant will receive a certificate of completion. And I would think this would be good for your continuing education credits. Thursday, March 14th at 6 p.m., an apéritif en français. Meet and have a beverage and talk with people in French at the, the University Club, isn't University it? Club, mm-hmm. Yes, on Summit, off Summit Avenue. Off of Summit, yes. On the hill. Summit and Grant. Summit and Grant, yes. I think it's Grant, the Grant Hill, or is that what? No, it's... Oh, it's Grant at the crest of the hill. Yeah. Mm-hmm. March 14th, 6 p.m., University Club of St. Paul. And, of course, don't miss Mohamed. Mohamed Yabdri will be putting on his one-man show Saturday, March 16th at 7 p.m. Reservations are at the Alliance, 612-332-0436. This young man plays up to 21 different characters in his... And he writes the material, too. The Alliance Française will be having an open house on Saturday, March 23rd, from 12 to 3, free, and everyone's welcome. You can sample the Marcel Pagnol class with Damien. You can pick up a directory of French resources, see a cooking demonstration with David Wright of Breadsmith. Well, just many, many things. Learn about the gala coming up, the big do that they have every year, and meet the staff and board of directors. And that will be open house March 23rd, 12 to 3. At Sofitel, they're having a luncheon for past retired teachers. Marie-Rose Adams, Marie-Jeanne Hargit, and Karine Quentin and Maryse Trébuche. They are the instructors who help shape the organization into a cultural center. Summer camps for children. Kids of all ages throughout the summer are at the Alliance. Review sessions for high school students and a theater workshop. The Alliance is asking for your support on their annual fundraising campaign. They are tax deductible, and all money goes to support the educational and cultural programs. C'est tout? Voilà. C'est tout pour ce soir. On va jouer encore la musique. Ah, une annonce d'abord. Yo, yo, turn my mic up a little bit. Or it's for raps. On Friday, March 8th, KFAI celebrates International Women's Day with 24 Hours of Special Programming. Oh, yeah! Join us for Ours for Raps as we take a musical trip through your childhood and ours. Get ready to revisit old favorites and explore women rappers that you might have slept on. From the points of views of two 80s babies, Sakara and Emily. Tune in March 8th, 9 to 10:30 p.m. on KFAI. For more info on KFAI's International Women's Day, visit kfai.org/iwd2013. Maintenant, on va écouter Serge Gainsbourg, le mauvais garçon de la chanson française. Il va vous chanter d'abord du jazz dans le ravin. C'est de l'album du même titre. Ça va être suivi par Requiem pour un twister. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon, alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré? Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. La Cla Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler. Thank you. moi, avez-vous connu Charlie? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il n'ait fréquentée que me sert. Requiem pour un twister. Dites-moi, l'avez-vous connu à jeun? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas un soir qu'il ne fut bourré. Quel farceur. Requiem pour un twister. Dites-moi, étiez-vous amoureuse de lui? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une femme qui lui ait résisté. Quel tombeur. Requiem pour un twister. Dites-moi, tout ça ne pouvait pas durer. Le contraire m'eût étonné. Je crois quant à moi que c'est le cœur qui a lâché. Quelle horreur. Requiem pour un twister. Okay, before I continue, I have to take something back. I have, as the French say, j'ai des œufs sur ma figure. I mistook rue de Lappe for rue du Lapin Agile. And rue de Lapin Agile, of course, is on Montmartre, and rue de Lappe is around the Bastille, Place de la Bastille, and that is exactly, that's the center of where Java were danced and where they had these small clubs. So all my excuses for making this faux pas. We had Serge Gainsbourg in singing about how he drives. He drives. He also has a little bottle of whiskey in his glove compartment. His radio is on, and he drives and drives. And this was before the time of SMSs and mobile radios, but he also ends up in the ditch without all of that. Maybe it was the whiskey, and then while he is down in the ditch, the radio keeps blaring the jazz music, which of course agitates him to no end. The other one was Requiem pour un twister, Requiem for a twist dancer, and He kind of envies him. I mean, this guy was a ladies' man. He had everything he wanted, et cetera, et cetera. He led a very hard life. And so he sings, he then plays the Requiem pour un twister. And at the end he asks, the way he was living, probably he died of heart failure. So he didn't go into the ditch like the one before. He was quite an interesting character, Gainsbourg. He had all these women in his life, and he certainly wasn't a good-looking guy. What do you know? And that's what he sings about. Brigitte Bardot was one of his lady friends. And what's the twister? He says he was a ladies' man, and no woman could resist him. So evidently. Is he maybe trying to do an autobiography or auto poem? There has been a film of his life. Yeah. Mm-hmm. Okay, well, I have something else to share with you, and that is that the great diplomat, poet, writer, and opposition critic Stéphane Hessel died at the end of last month on Friday, the 27th of February. He was 95 years. Mm. And he, of course, is the one who wrote the bestseller Indignez-vous, Get Angry, in which he really started the movement of Occupy. They don't really talk too much about him here, but this started really in France, and with his book, he was wondering why are people not opposing the Wall Streets in, well, whatever the Wall Street in France is, and so he and the book had a large following, so he is he died, but he had a very interesting life. He was born in Berlin. But then his parents left for Paris before the prosecution of Jewish people under the Nazis, and but so he remained in France, what was part of the resistance, and then was caught, actually also fingered by someone who knew him. He was sent to Buchenwald and the concentration camp of Buchenwald, and then Bergen-Belsen. These are terrible camps, but he managed to flee. So he fled, and then got back to the American zone in Hanover. It's a very interesting story. He also was a part of the Free French forces under de Gaulle. And while he was in France in mission, he was actually denounced and again became prisoner of war. And he escaped twice. He actually managed to pass the test of the Quai d'Orsay, the French foreign ministry, and he became a diplomat. And between 46 and 50, he occupied the position of the director of the administrative director of the Secretariat of the United Nations in New York, and he then also became secretary to the Commission of the Droits d'Homme, human rights, in which he participated writing the document and getting the document to the shape that was eventually adopted. So he has been enormously influential in France, not so well known outside, but especially his last one, and that was came out in 2010, Indignez-vous. At the time, so this is now it's 13, so at that time he was 92 years old. And really this was a book that caught the imagination of young people throughout the world. He also has other works. I mean, that he has published, and basically, I mean, I think you might be interested in knowing his story, and well, unfortunately, he died. But he himself actually said that La Mort is going to be the most interesting voyage that I ever have taken, will take. Mm. Well, it's time to say goodbye until next week. Au revoir, Olaf. Au revoir, Caril. Et au revoir à nos auditeurs. Et nos auditrices. Et nos auditrices. Bien sûr. Oui. Alors, au revoir. Do you like the promos you hear during KFAI programming? Ever wonder how they're made? Would you like to get involved? Join KFAI's Cart Crew in Studio One every Wednesday, 7 to 9 p.m., or on Saturdays, 3 to 5 p.m. For more information, please contact Program Director Miguel Vargas at miguelvargas@kfai.org or at 612-341-3144, extension 20. tech support. I'm Randy. Randy, can you tell me what radio station I'm listening to when I'm on hold? Oh, yeah. It's KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. Very cool radio station. They're on the web, too, at KFAI.org. Do you have a tech question? Not anymore. Can you put me back on hold, though? Again? Yeah, okay. Here. Radio without boundaries. Здравейте, драги слушатели! Вие сте основно с фолклорното музикално предаване Балканско джамбуре на Радио Без граници, KFAI, Сен-Пол и Миниаполис. Аз съм Николай и както всеки вторник вечер по това време до полунощ ще бъдем заедно и ще слушаме музика от Балканите, която съм подобрял не специално за вас. На всички жени, честит 8 март, идващия петък!